Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase, les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, bienvenue en ce samedi après-midi, samedi 28 mai. On approche tout doucement des vacances. Ah oui, on va bientôt mettre notre tongue et tout, comme c'était prévu. Florence, c'était carte blanche, évidemment, depuis 14h. Nouveau rendez-vous depuis quelques semaines, on s'y habitue et c'est vachement bien en plus. Ah, et tu sais que t'as une belle voix. C'est vrai, toi aussi. Non, bon, c'est entre nous, en fait. Il est 16h03, t'es en retard. Hein. Et on est 16h03, on est en retard, évidemment. Donc si c'est comme ça chaque semaine, on va vite le zapper. Bon, en tout cas, Flycase cette semaine est bien, pas mal de changements une nouvelle fois. Et puis peut-être un nouveau numéro 1. C'était Majo la semaine dernière avec Nighthawk. Sera-t-il encore numéro 1? Réponse tout à l'heure aux alentours des 18h. En attendant, deux entrées, trois entrées, quatre sorties. Bizarre ça. Est-ce que si j'appuie sur le bouton ça va démarrer? Allez, on va essayer. Flycase. Ah super. Flycase. Il a pas tout destroyé, Florent, parce que il faut le temps qu'il apprenne. Hein. Le matériel est en bois ici. Voilà, exactement. Donc sorti cette semaine de Detroit Swindle avec House Music. La sortie également de Fine Bass avec Rotendo. Enfin, la troisième et dernière sortie pour cette semaine, Neon Judgment, qui nous a fait un petit retour avec cette version remixée de Situated, le remix Dave Clark. Galaxy, Olivier Curtis, Flycase, numéro 20. Allez, on est parti tout de suite avec la 20e position. Ça perd 4 places cette semaine, c'est la Lanterne Rouge. Ce titre de Nomi Rampa Enemy avec Test Like. Bon après-midi, profitez bien du soleil, ça va pas durer. En plus, on nous annonce des orages cette nuit, donc bon, on n'est pas encore là. On va écouter le Flycase et puis on verra ce qui se passe à 18h. Mettre le bateau peut-être. That little taste of your gun, Venus and furs, you hum and purrs, parting ways with your tongue. That bit of hellified laughter that pushes past her inside. Behind the dark of one beauty, mark it up, liquid animal fire. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. Your pound of milk, you right nasty. That liquid animal cool. That ocean foam it up, pour it in the cup. Liquid animal roar. That piece of pedophile candy that caused the crack in your blue. That did for days of what now remains of that liquid language of you. Tastes like heroin. Tastes like desire. Tastes like arrogance, tastes like desire. That morning rise of your halo, the black and wet of your mane. The bit of sand flowed through your hand, that liquid ebony pool. That that little taste of your gun, Venus and furs, you hum and purrs, parting ways with your tongue. That bit of hellified laughter that pushes past your inside. Behind the dark of one beauty, mark it up, liquid animal fire. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. Thank you. indispensable sur Galaxy numéro 19. Flycase nouveauté. Incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 19 à l'instant. C'était la première entrée pour cette semaine. Le groupe s'appelle Season et le titre Say Your Mind est juste auparavant numéro 20, 4 places au moins pour Nomi Rampa Enemy avec Test Like. Les 20 indispensables sur Galaxy numéro 18. Thought it would be. push me around. You ain't riding, son of a bitch. c'est les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 11, c'est perd tout place cette semaine DJ Roland Clark et Santé Sanson avec House Nation. Numéro 17, c'est la plus grosse gamelle cette semaine, ça perd 7 places le titre de Man Without a Clue avec Push Me Around. Et la numéro 18, c'était Tipno avec le titre Me and My Guitar. Excellent, ça met un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Après Florent, il en fallait bien. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et toute la tribu sera là ce soir à partir de 20h avec Jérôme B. Il y aura également à partir de 21h Franck Lido, 22h Digitom, 23h Marty, minuit Storm. Et à partir d'une heure du bat jusqu'à 2h pour clôturer le bal. Là, ce sera DJ Gus avec Bad Noise et The Pleasure. Tout de suite, voici une petite nouveauté sur Galaxy. C'est même une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. C'est à vous de voter Facebook, Flakez, n'hésitez pas. Le groupe s'appelle Amtrak et le titre Hold On, c'est le VIP Mix. Parce que ça rigole plus, parce que c'est Galaxy évidemment. Restez avec nous, bon après-midi, 16h28. I read your letters, you're not near. Come to me when I call your name. Just hold on.

14. Flygaze, nouveauté. On a eu avec la seconde entrée cette semaine, c'était Damien Lazarus. On adore ce titre. C'est à vous de voter également Facebook Flakez avec Trouble at Science. C'est le remix de Kolsch. C'est allemand ça, non? Et numéro 15, s'il plaît, c'est moi. Le titre de Carrier District avec Techno Disco. C'est le remix de Kinka. Les 20 titres indispensables. Flakez, numéro 13. Just in red, went all right. Répertoire de Nina Simone, revu et corrigé par Denise Cruz à l'instant avec ses textes numéro 1, c'était Still a Woman, le remix de Wanda. C'est pointé numéro 11, ça perd 6 places. Et puis tiens, on proposera tout à l'heure le nouveau Denise Cruz, c'est encore le répertoire de Nina Simone, c'est pour ça que je vous disais, c'est révisé. C'est le titre New Life, on aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure, c'est nouveau. Numéro 20. En attendant, il est 17h, voici le récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11, 20e, 4 places au moins. C'est le titre de Naomi Rampa, Naomi Rampa and Me avec Test Like. Pushes past her inside, behind the dark room through the market up like Christmas. Numéro 19. Numéro 19, c'est la première entrée. Cette semaine, il y en a 3 au total, on en a découvert 2. Et oui, la première, c'était Season avec Your Main. Numéro 18. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Techno. Numéro 18, ça s'appelle Me and My Guitar. La plus grosse gamelle de la semaine est décernée à Mel Willow de Clouf. Numéro 17, Push Me Around, ça perd 7 places. Numéro 16. 2 places au moins cette semaine, c'est la position numéro 16 pour DJ Roland Clark qui sent et Sanson, House Nation. Ça perd du terrain également, Carrier District à 6 places au moins, numéro 15, ça quitte les 10 premiers Techno Disco, le remix de Kink. Numéro 14. La seconde entrée de la semaine, c'est le titre de Damien Lazarus qui refait une entrée dans ce classement avec un nouveau titre, Ancient M, l'accompagne Trouble de Science, c'est le remix de Kolsch. Numéro 13. Numéro 13 a gagné 2 places cette semaine, Monkey Savary avec le titre On, le remix de Paco Ozuna. Numéro 12. Pas de changement par rapport à la semaine dernière, c'est la 12e position suite Robot et Roman Fusion qui revient également dans ce classement avec un nouveau titre End of the Trail. Numéro 11. Et enfin, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, ex numéro 1 du Flakey, 6 places au moins, c'est Sea Lane Woman, le remix de Wad, Denise Cruz. Galaxy Flakey. Numéro 10. Ah bah la voici, et voilà la troisième et meilleure entrée pour cette semaine, c'est Super Lover avec The Talking Machine. Numéro 10, bon après-midi, restez avec nous. Thank you. it's refined disco. It's refined disco, and it's, I would say, the beginning of the 90s with a new time, with a new sound of disco. You know, from the old sound, which is very much, you would say, orchestrated. But with the new sound, which is basically, you would say, one man operation, you know. I think that's the house just doing. Tensions raising, don't you want me? Qu'est-ce qu'il est bon ce titre numéro 9 cette semaine, ça gagne 4 places, c'était Yena et Nonku avec le titre So Kit, le remix André Lovman et juste auparavant la meilleure entrée pour cette semaine, Super Lover avec Talking Machine. Dans quelques instants, les 8 premiers de ce classement, avec la 8ème position DJ SKT Dirty et la 7ème Gentleman et Wed avec Dirty Groove. Bon après-midi. Pour te faire bouger. Numéro 8. We'll be right back.

touching your sweet love mean to me. Don't have much, girl, but I share with you. And I like that, baby, share thing with you. What you want, and I'll try it again. That's just how much your sweet love mean to me. Don't have much, girl, but I share with you. And I like that, baby, share thing with you. C'est la position numéro 6 cette semaine, ça gagne 5 places. C'est peut-être un futur numéro 1. En tous les cas, c'est à vous voter. Hein. Facebook, Flakez. C'était Kevin McKay. C'est la position numéro 6. C'est un remix de Jean-Paul Ghetto. Numéro 7, Chillouman et Wad avec Dirty Groove. Ça gagne, ça perd une place. Et 8ème, juste auparavant, une place au moins également pour DJ SKT avec Dirty. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émission thématique et DJs rythme les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake, girl, shake. Ils seront tous affilés le poste à partir de 20h Jérôme B, à 20h, 21h Franck Ludo, 22h Digitum, 23h Marty, à partir de minuit Digistorm et à 1h du mat Digigus jusqu'à 2h. Et puis je vous rappelle également une grosse soirée à ne pas manquer, c'est ce soir, ça se déroule au Hall de la Filature 70 rue Félix Faure à Saint-André-les-Lilles. C'est un rendez-vous avec la soirée The Machine avec entre autres Eric Poabé, il y aura également Oliver Ablus, Yuri ainsi que Franck Gazzi et dans la House Room Manu, Laurent Warin et Huguenton. Un rendez-vous absolument à ne pas manquer, c'est en partenariat avec Galaxy évidemment. L'entrée est fixée à 15€, Hall de la Filature, je vous rappelle, soirée The Machine, on vous en a déjà parlé en détail, bien évidemment. Tout de suite, on vous l'avait promis, voici le nouveau de Dennis Cruz, ça s'appelle New Life, encore une reprise de Nina Simone, et c'est maintenant. It's a new life. Galaxy. Galaxy. Vous êtes. Ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez. Thank you. Fake et les 20 titres incontournables, positionné numéro 4 à l'instant, peut-être un futur moment. En tous les cas, ça bouge pas cette semaine. Patrice Baumel avec In This World, on adore. Juste auparavant, Churches, on adore également Limitless. C'est vrai qu'il y a des bons titres cette semaine. Hein. Le remix de 4 titres, c'est pointé numéro 5 qui se met de 3 places. Les 20 titres qui se font bouger. Numéro 3. Thank you. Les 20 titres incontournables tout le samedi entre 16h et 18h avec Aleia à l'instant, ça s'appelle Who Is It numéro 2. Flycase égale Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. Numéro 10, c'était la meilleure entrée pour Super Lover avec Talking Machine. Ça gagne 4 places cette semaine et puis on y croit très fort en ce titre, ça s'appelle Iena et Nonku avec Sokit, le remix de André Lodman. Numéro 8. Ex numéro 1 de ce classement du Flakes, c'est la position numéro 8, ça s'appelle DJ SKT avec Dorty, ça perd une place. Numéro 7. Numéro 7, Gentleman et Wed avec le titre Dirty Groove. Numéro 7, ça perd une place. Numéro 6. Kevin Maquet, on adore également ce titre Petite Découverte Galaxie. What You Want, le remix Jean-Paul Ghetto. Numéro 6, ça gagne 5 places. Numéro 5. Que des bons titres cette semaine. Numéro 5, ça gagne de 3 places Churches avec Leave a Trace. C'est le remix de Fortate. 4. Numéro 4, Patrick Bommel avec Indies World. Pas de changement par rapport à la semaine dernière. Numéro 3. Petite découverte de Galaxy également, production régionale, pourquoi pas, Usul, Selkuk, avec Josh Moreland, ça s'appelle Out of My Head. Numéro 3, ça perd une place. Numéro 2. Et enfin, numéro 2, ça gagne une petite place cette semaine. Aloya, peut-être le numéro 1 la semaine prochaine. Aloya, Gaillot et Kevin Aden. Who is he? Galaxy. Flycase. Flycase. Numéro 1. Pas de changement par rapport à la semaine dernière, c'est pas une grosse surprise en même temps. Ça s'appelle Majo. Il y a des Matlou Matou, il y a des Majo aussi, numéro 1. Bah ça se passe comme ça, toujours des stars. Hein. Ça s'appelle Nighthawk, numéro 1. And I won't love you. Flycase numéro 1, c'était Matt Joe avec Flyhawk. Flycase. Bon voilà, Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h, évidemment. N'oubliez pas de voter Facebook Flycase, bien évidemment. On attend toutes vos propositions, on attend également tous vos votes pour changer peut-être ce numéro 1. Après 3 semaines, il serait peut-être temps de changer également. En tous les cas, Flycase, c'est terminé. Matt le Matou, c'est maintenant jusqu'à 20h. Il est en super forme, comme d'habitude, avec le smile en plus. Il a plein de surprises à vous réserver, certainement. Hein. D'accord, et puis il va mixer comme un taré ce soir, donc il aura l'occasion de vous en parler. Matou dans un tout petit instant. Bonne soirée.